Nakobela liboma epona bolingo. Nakosambi sanzoto epona bolingo. Bolingo ebangi ebani tena bato. Tokomela na makila potolingana. Tokonokela mbula libana pomba yebae. Kitoko ya mwana mwasi ekantinga motema. Olive wa bolingo tinkanga na yebisa. Kofansonye kumona pasye. Longoma wa bolingo ngana komiso baboye. Limbisa motema. Olive wa bolingo tinkanga na yebisa. Kofansonye kumona pasye. Longoma wa bolingo ngana komiso baboye. Limbisa motema. Na yebi bolingo na konsomba la munwe. Tika na linga na yebi toko lingana. Olive bo ba ba longoma wo ba ba na bambelio eloko elengi yakana pokwa ditokutana e. Kana komisa kitoko na ya Olive roa yo kenangai mawa. Na ebi bolingo bakolo bamige. Basangi bafigi batongi batongi. Because I love you too much, my darling. I went for you tonight, my darling. Ladies and gentlemen, three majesty sing for you. Tonight, and orchestra, Sosaliso. Bazooka au stade du 20 mai, est-ce que vous m'entendez? Alors comme vous m'entendez très bien, je vous remets l'antenne et à vous de jouer. Rosalie, t'es moi à Libala. Oh mama, mama, oh mama, oh mama, ma fille qui capona yo. Oh mama, oh Françoise, oh Amina Magui, t'es moi à Libala. Oh mama, mama, oh mama, oh mama, oh, ma fille qui capona yo. Henriette, Anne-Marie, Élise, Moulanga, Élise, va témoin à Libala. Oh mama, mama, oh mama, oh mama, oh mama, ma fille qui capona yo. Wapi, Marie-Anto, Virginie, Marie, oh José, Landou, Bangonio, Solela. Oh mama, mama, oh mama, oh mama, oh mama, ma fille. fiki kapona yobo. Thinking up and by, thinking up and by, thinking up and by, one a boogie, thinking up and by, thinking up and by, thinking up and by.